Analyse du 3 mai 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Drone et alerte sur Moscou. La vie de Vladimir Poutine menacée par un pétard pirate. L'Ukraine réfute l'attaque de drones sur le Kremlin. Sans blague. J'ai envie de dire que si la seule chose que l'OTAN est capable de faire en venant en aide aux Ukrainiens, c'est de cramer un drapeau russe au-dessus d'un dôme du Kremlin. Alors, Poutine peut dormir tranquille. Vous regardez un film. Et dans ce film, il n'y a aucune logique militaire depuis le début, il y a plus d'un an. Il y a par contre beaucoup de clins d'œil de Poutine qui travaille la main dans la main avec l'Alliance. Qui est l'ennemi ? Les États-Unis. Et son état profond démocrate, aidé par l'OTAN et le PCC, Parti communiste chinois. Ainsi que l'Europe et tous ses technocrates, tous. Nous nous retrouvons donc en plein dispositif ennemi. Poutine, lui, est malin et connaît tous les préceptes de l'art de la guerre selon Sun Tzu. Tout comme pour les destructions contrôlées de ses pipelines Nord Stream 1 et 2, ainsi que celle de son pont de Crimée avec des dégâts très limités, il organise des pseudo-attaques de drones sur Moscou pour se moquer de la faiblesse de l'adversaire et pour préparer sa légitimité à ce qui s'en vient. C'est-à-dire le massacre prévisible d'Ukrainiens qui se rassemblent pour la grande offensive de mai, désespérés et perdus d'avance contre l'armée russe. Mais ça, les Ukrainiens sont les seuls à ne pas le savoir. Ce sont des divisions entières. On parle de 700 000 soldats ukrainiens entraînés comme on peut l'être en quelques mois à l'étranger, qui vont toutes passer à la moulinette, chars et matériel OTAN y compris, dans ce qu'on peut appeler un grand sacrifice humain organisé une fois de plus par des États-Unis et ses sbires de l'OTAN, et qui ne sera pas sans rappeler un autre sacrifice de l'État profond, celui du 6 juin 44 à 6 heures du matin sur les côtes normandes. Soit 666, une fois encore. Poutine est prêt depuis longtemps. Il attend son heure et cette offensive ukrainienne pour lancer sa propre contre-offensive, laquelle ne s'arrêtera plus avant d'avoir joint Odessa et la Transnistrie, ce qui marquera la fin des hostilités. Game over et clap de fin. Alors, prêt pour le spectacle ? Vous regardez un film de guerre, certes, avec des morts, mais un film tout de même. Sherpa One.